Tradition in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free, she's got her own style. She's a vampire free, and when she's sick, she wants everywhere. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Salut la tribu, bienvenue dans la 142e Vampire Freaks. Je devais faire une spéciale Noël, et puis finalement je vais faire une spéciale nouveauté avec un peu de Noël. On commencera tout de suite avec la Mère Noël des Berruriers Noirs. C'est sur le P4 titre Joyeux Merdier, sorti en décembre 85. On retrouve la Mère Noël, J'aime pas la soupe, Vive le feu et Salut à toi, qui ont été rajoutés sur la version CD de Concerto pour Détraquer. On écoutera ensuite Nut House, le nouveau Black Moon Boys, c'est aussi le titre de leur album sorti en 2018. On retrouve Billy Bob, I Never Felt Like This et Walk of Shame. C'est du rockabilly made in Québec, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Let Me Tell You, le nouveau Good Scrappers, c'est sur l'album Getting Through, sorti le 9 juin 2017. On retrouve Thankful, Let the Light et No Way Back. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Ireland Glory de Running Wild, c'est sur l'album Death or Glory, leur 5e album, sorti le 8 novembre 1989. On retrouve Renegade, Tortuga Bay et Battle of Waterloo, un classique du genre. Et on finira ce bloc en live avec The Drifter de Dennis Brown. C'est sur l'album Words of Wisdom, leur 10e album sorti le 15 juin 1979. On retrouve Don't Feel No Way, A True, Rasta Children, du reggae culte. Minute, China. is on the floor. You come in through the window and you knock out the door. I throw it sound insane. I'm the one to blame. Ever since I was breathing, well, that's the place I've been living. I got a hot fridge, freezing stove, a shaved eyebrow and a hairy nose. I got a two-color face, brushing a fireplace. There's a burning bush, there's a ball in the hall. That ain't all. Cause everybody crying, everybody laughing. Through the crazy day, I'm living in a nut house. Nut house! Nut house! Cause everybody's screaming, everybody jumping. Through the crazy day, I'm living in a nut house. Nut house! Nut house! One eye jack, two other bees, three stooges, and a ball. Well, Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Oh, Vous êtes toujours dans la 142e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter La Mère Noël des Berus, Nuthouse, le nouveau de Black Moon Boys. On a eu ensuite Let Me Tell You, le nouveau Good Scrapper. On a eu ensuite Island Glory de Running Wild. Et on a fini le bloc en live avec The Drifter de Dennis Brown. On continuera cette émission avec 1-2-3-4, le nouveau Emigrate. C'est sur l'album A Million Degrees, sorti le 30 novembre 2018. On retrouve War, We Are Together et Let's Go featuring Till Lindemann. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. Et en fait, l'initiateur de Emigrate, c'est Richard Krauss, qui est autre que le guitariste de Rammstein. On écoutera ensuite Screw You, le nouveau Anso M, sur leur EP de 4 titres Au cœur du système, sorti le 18 mars 2018. On retrouve Blood and Tears, La vie nous contredit, Time to Fight, Au cœur du système, Réalité et Zéro Degré, avec Joseph Danvers. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Battle in the Cold, le nouveau Moscova. C'est sur l'album The Man of the Three Islands, sorti en 2018. On retrouve A New Era, High Blood of Defeat et Russia Eyes. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, Rock and Roll in USA, le nouveau 16-4. C'est sur l'album Complètement Flippé, sorti aussi en 2018. On retrouve Héroïne, Cafard et Car Je Connais Ça. On les retrouve sur SoundCloud, Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Hello Carol des Gladiators, que c'est une petite dédicace pour ma petite sœur que j'aime très fort. C'est sur l'album Trenchtown Mix Up, leur premier album sorti en 1976. On retrouve Bellyful, Soul Rebel et Thief in the Night, du son culte presque d'anthologie. Yeah. Yeah. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Gonna play a song for you. I can see this man have it right there on a paper. Hello, Carol. Thank you. Vous êtes toujours dans la 142e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter 1-2-3-4, le nouveau Emigrate, Screw You, le nouveau Ansohem, Battle in Call, le nouveau Moscova, Rock'n'Roll in USA, le nouveau 16-4, et on a fini ce bloc en live avec Hello Carol des Gladiators. On continuera cette émission avec L'Animal, le nouveau Lise Cabaret, c'est sur l'album Liar, sorti le 30 mars 2018, c'est son premier album. On retrouve Le Métro, Le Maquis et Nuit d'Ivresse. On la retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Un peu de douceur dans ce monde de brut. On écoutera ensuite Dissenart de Stomper 98, c'est sur l'album Alter Gebracht, sorti le 30 mars 2018. On retrouve Skinhead, Kynelden et We're Staying There, Here. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Volteface, le nouveau Papaya, c'est sur leur premier EP, leur cinquième EP, pardon, Divergent, 6 titres, 18 août 2018. On retrouve Money, World Story, Volteface, Esperanza, Lifestyle et Mixdub. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera une exclusivité, Bloud, le nouveau Ulicoy, c'est sur l'album Life is Crazy, sorti le 7 décembre 2018. On retrouve Change, Bad and Mad et I'm Free. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Army of the Night de Powerwolf. C'est sur l'album Blessed and Possessed, leur sixième album sorti le 17 juillet 2015. On retrouve Dead Until Dark, Higher Than Heaven et Sanctus Dominus. Et toi, t'es là comme un con, à pas te poser de questions. T'as raison, c'est plus chouette d'imaginer sa silhouette. Et toi, t'es là comme un con, à pas te poser de questions. T'as raison, c'est plus doux de s'imaginer dans son cou, dans son cou. J'ai du mal à m'oublier. Juste le temps de faire l'amour. Retour au tourbillon infernal. Je voudrais parfois être l'animal qui erre sur les chemin sans penser à demain, qui comme toi, comme un con, se pose pas de questions. L'animal s'en va chasser bien plus loin que les forêts. Hurle à la nuit, hurle à la mort, hurle à la vie, hurle plus fort. Qui comme toi, comme un con, se pose pas de questions. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Comme un cafard, cet état sombre qui s'agit de simple vue de l'esprit. Aujourd'hui t'as servi encore de costume de folie. Plus ça avance, plus tu vis, plus tu détruis. Le démon s'accapare de toi dans tes cauchemars. Plus avant, plus souris, vêtu du même habit. Mais le vieux moine gris n'est pas moins que Caroline. On t'abreuve de poison, tant que tu peux servir. On sait quoi ta poison, dis-moi veux-tu me dire. Ce qui ne tourne pas rond, est-ce que ton avenir est fait de dettes. Ce que tu peux plus choisir. On t'abreuve de poison, tant que tu peux servir. On t'exploite ta poison. On t'exploite ta poison. On t'exploite ta poison. On t'exploite ta poison. Jimmy Bambé. Aha. Personne ne rit. Depuis le placard, j'entends les bruits de couloir, un immense vacarme qui me rend tout petit. La séance est finie maintenant que j'ai grandi, mais ici, plus personne ne rit. Depuis le placard, j'entends les bruits de couloir, un immense vacarme qui me rend tout petit. La séance est finie maintenant que j'ai grandi, mais ici, plus personne ne rit. Depuis le placard, j'entends les bruits de couloir, un immense vacarme qui me rend tout petit. La séance est finie maintenant que j'ai grandi, mais ici, plus personne ne rit. Depuis le placard, j'entends les bruits de couloir, un immense vacarme qui me rend tout petit. La séance est finie maintenant qu'on a grandi. Maintenant oui qu'on a grandi. Maintenant qu'on a grandi. Maintenant oui qu'on a grandi. Chill bébé. Aha. Petit man, on m'avait pas dit que le monde serait de peine et que les gens seraient ainsi. Non, quand j'étais petit man, on m'avait pas dit que la guerre ferait rage et que le monde serait détruit. Non, quand j'étais petit man, on m'avait pas dit que le monde serait de peine et que les gens seraient ainsi. Non, quand j'étais petit man, on m'avait pas dit que la guerre ferait rage et que le monde serait détruit. Mais j'ai grandi, et j'ai bien compris, j'essaie de me créer une belle vie. J'ai grandi, et j'ai bien compris, j'essaie d'avancer avec tous mes amis. J'ai grandi, et j'ai bien compris, j'essaie de me créer une belle vie. J'ai grandi. Maintenant oui qu'on a grandi. Maintenant qu'on a grandi. Maintenant qu'on a grandi. Maintenant oui on a grandi. Skibidi bang bang. Aha. Vous êtes toujours dans la 142e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter L'Animal, le nouveau Lise Cabaret, Dizenhart, le nouveau Stomp 98, Volteface, le nouveau Papaya, Blaud, le nouveau L'Exclusivité de Ulicois, et on a fini ce bloc en live avec Army of the Night de Powerwolf. On continuera cette émission avec une nouveauté et même une exclusivité encore un coup, c'est The Moon Watch Me When I Kill de Hobson Geshoff. C'est sur l'album Master of Giallo, leur 8e album qui vient juste de sortir. On retrouve de New York Reaper, Murder Rock et de Death Kiss. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils fêtent leurs 20 ans avec cet album. On écoutera une nouveauté, une petite démo, une exclusivité. C'est Lobotomia de Mad, c'est leur premier single. On les retrouve sur Facebook et YouTube. Un petit like au passage, ce sont des petits gars de chez moi. Ils sont du Puy-en-Velay et ça fait plaisir de les diffuser. On écoutera ensuite Fanjo, la nouveauté et même l'exclusivité de Darcy. C'est leur EP Fanjo qui est sorti le 12 décembre dernier. C'est un EP 4 titres. On retrouve Fanjo. Ici, c'est Paris, La Bière et Darty. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on écoutera ensuite Become a Light, featuring Poupa l'Acier de George Dub. C'est sur l'album Friends Meeting où on retrouve Jalove avec Dove Ja, Look Around avec Lord Faya et Rasta Never Give Up avec Tomso. On les retrouve sur SoundCloud, Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Et c'est pareil, c'est un petit gars du puits. Et on finira ce bloc en live avec Camarades des Salles Majestés. C'est sur l'album No Problemo, sorti en 1997. On retrouve Alto Front, Que Bon Toujours et Salaud de Pauvre. Un classique du punk et mes amitiés à Arnaud Futur qui fait une super carrière solo maintenant. Make your film to make them obey. Run very fast again. C'est encore une porte de sortie pour laisser faire PSA. Qu'est-ce que vous attendez? On ne peut pas fermer une usine de 3000 personnes comme ça. Il faut que l'État s'en rende compte. Mais vous réalisez dans quel pays? Dans quoi vous avez plongé le pays? Est-ce que vous réalisez? Quand les gens ils se mettent en grève, quoi qu'ils vont le syndicat, la porte est fermée, il n'y a rien, on vous laissera crever. Alors qu'est-ce qui va se passer? Allez, suis à l'atelier, allez, suivant. J'en ai vu des... Ramona. À croire qu'on aime se faire chanter Ramona. À croire qu'on aime ça Ramona. Ramona ouais, Ramona ouais, Ramona ouais, Ramona ouais, ouais, ouais. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. George Dub is the top ranking. George Dub is the dub done. A wood boy, I love a big cat things, you know. But it's not the panacea. I'm a dick and self myself. So get to youths, think by yourself. And respect. George Dub, you know this, yeah. George Dub, you know this. But we are burning, ancients we are blazing. Become a lighter, or someone need a judge. I'll become a light to become a lighter. Call him a light you want. Jehovah says I see I. Foolishness can't stop that. Become a lighter, become a lighter. Fall away, but think we are burning. Ok. And the leading scorer in Mexico. Qu'on apprenne à partager, camarade, pas d'autre choix pour vivre en société, camarade. Il faut qu'on apprenne à se lever, camarade, faut qu'on retrouve un peu d'humanité, camarade. Quel que soit ton pays, ta couleur, camarade, on a partout sur terre droit au bonheur. Camarade, quel que soit ton pays, ta couleur, camarade, on a partout sur terre droit au bonheur. Camarade, oh, oh, camarade, camarade, oh, oh, camarade, camarade, oh, oh, camarade, camarade, oh, oh, Merci, bonsoir. Merci les salles majestés. Vous êtes toujours dans la 142e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter The Moon Watches Me When I Kill, le nouveau Hobson Geishopf. On a eu ensuite Lobotomia, la démo et l'exclusivité de Mad. On a ensuite Fangio, le nouveau Darcy. On a eu Become a Light de George Dubb. Et on a fini ce bloc en live avec Camarades des Salles Majestés. On continuera cette émission en live, un petit live vers la fin, ça fait toujours du bien. Sur les sentiers de la gloire de Ludwig von 88, c'est sur l'album Oulala, leur premier album sorti en mars 1986. On retrouve Paul Holop, les Iroquois Cheveux Verts, Lapin Billy s'en va en guerre et Bière et Punk, un classique du punk français. On écoute ensuite une nouveauté et même une exclusivité, My Wish de Schultz. C'est sur l'album Shot of Pain qui sortira le 6 mai 2019. Et ouais, ça c'est de l'exclu. Je connais pas tous les titres, ils m'en ont envoyé que 4 ou 5 que je diffuserai dans les prochaines émissions. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un petit live là ensuite, Leap Up Fatty de Bad Manners. C'est sur l'album Greatest Hits Live sorti en 1993. On retrouve Wooly Bully, The Magnificent Seven, Néné Néna Nana Nenou, ah les Noël de mon enfant. On continuera avec une autre nouveauté, This Is Your Reality, le nouveau Synth Madness, c'est sur l'album Loudscapes Pace, sorti en 2018. On retrouve Day of the Dead, Made in China et King of the Goddamned World. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec TNT de AC/DC. C'est sur l'album Live, le double album sorti en 1992. On retrouve The Jack, Hellbells, Highway to Hell, TNT, enfin bref. Tous les titres d'ACDC. Une chanson contre tous les charlus. Le sang rouge coule, hey, coule les artères, les veines et les veines. Hey,

For the fat people. On vient de s'écouter sur les sentiers de la gloire en live de Ludwig von 88, My Wish, le nouveau et l'exclusivité de Schulz, l'Hip Hop Fatty en live de Bad Manners, This Is Your Reality, le nouveau Saint Madness, et on a fini ce bloc en live avec TNT de AC/DC. Cette 142e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe, si vous souhaitez être diffusé, n'hésitez pas, laissez-moi un message sur la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec une petite BOF, Le Père Noël est une ordure par Vladimir Kosma. J'ai envie de pourrir Noël cette année. Et c'est sur la bande originale du film Le Père Noël est une ordure. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!